moi tu risquerais de tout perdre. Pour toi je prendrais 10 ans en ferme. Viva la la la la la. On va s'aimer. On va s'aimer. T'as la monnaie. Viva la la la la la. On va s'aimer. On va s'aimer. T'as la monnaie. La la la la la. Ce soir il joue derrière les barreaux. La la la la la. Vie de luxe shopping à Milano. La la la. Viens n'aie pas peur, brasse le mime. Viens n'aie pas peur, on va voir ce qu'ils m'ont baisé. Le commissaire, ils veulent vivre notre vie, on veut être millionnaire. T'es mis à moller ma complice, ma poteau. Et si je béton, tu cacheras le butin. Tu regarderas les mythos, le héros des poutins. Toi et moi jusqu'à la mort du Tiguida. Elle est comme moi cette fille-là. Elle me connaît cette fille-là. Elle est faite pour moi cette fille-là. Je veux le monde de cette fille-là.